on pensait qu'on était frais. Ouais. Encore des enfants, inconscients de ce qui arriverait. Ouais. On avançait bêtement avant nous d'autres l'ont fait. Ouais. Nous on s'en foutait, ouais. On voulait tout niquer. Ouais. On se croyait déjà grand, on pensait qu'on assurait. Ouais. On prenait pas le temps de comprendre ce qu'ils nous disaient. Ouais. Mais à nos parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ouais. Nous on s'en foutait, ouais. On voulait tout niquer. Ouais. Affreux, t'as rien dans la tête. Afro, t'aurais eu ton paye trop tôt. Tu veux vivre ta vie trop tôt. Tu vivras tes peines. Nous fin de vingtaine, on voulait raccrocher, mais même pas qualifié pour vider quelques bennes. Refrais, on nous avait dit que plus tard on regretterait, mais plus tard et si vite arrivé, on pensait que d'ici blindé on finit par riper. Mais qu'est-ce une proposition décente si elle vient du diable? Un jour l'argent te dira, mais laisse porter ton cartable. Toi sans un cartable, tu diras impeccable. Ensuite t'iras en bécane, aller frimer, claquer l'argent de la drogue. Mais le traquenard se résume par un troc. Son putain d'avenir contre une paire de Reebok. Pour nous des pommes, en l'occurrence, pendant que les bacs plus 5 qui chôment disent le diplôme, une assurance. Mes fils, si tu sens ça, tu vides même plus les poubelles. Jadis, je trouve à la thune sans sas, moi aussi je fous fidèle. Je dis au prof, c'est tout venu comme mon coup, va te foudre. A tort de spi, aujourd'hui je rappe, toi tu feras quoi? Gagne du temps, petit, sois un brave et réveille-toi. Tu as sorti de l'adolescence, ton bilan sera le nôtre. T'auras été qu'une capuche de plus, une capuche parmi tant d'autres. Une capuche parmi tant d'autres. Bien sorti de l'adolescence, ton bilan sera le nôtre. On était dans le vent, on pensait qu'on était frais. Ouais. Encore des enfants, inconscients de ce qui arriverait. Ouais. On avançait bêtement avant nous d'autres l'ont fait. Ouais. Nous on s'en foutait, ouais. On voulait tout niquer. Ouais. On se croyait déjà grand, on pensait qu'on assurait. Ouais. On prenait pas le temps de comprendre ce qu'ils nous disaient. Ouais. Mais à nos parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ouais. Nous on s'en foutait, ouais. On voulait on tout niquer. On t'avait dit de rester tranquille à la zone, t'es descendu. T'es tellement lourd, empêché que le bitume s'est fendu. La première fois que t'as mis les pieds dessus, c'était un grand corps de diable qui avait sous ton gros fait sûr. On t'a prévenu sans diplôme, c'est la chose. Toi tu disais nique sa mère, toujours bien calé dans une choune. Le BEP c'était pour les Yankees, ils venaient de partout. C'était cool d'avoir une liasse le vendredi. La vérité, tu gagnes ce que tu mérites. T'auras une paye de premier ministre que si tu milites. Tu tapes, tu charbonnes, mais dans le bon sens du terme. Écoute pas les zoulous, t'es dégoûté quand tu prends du ferme. T'as tout fait, raquette, plaquette, maquette. Tu t'es même vu rappeur, t'as cru que c'était la fête. Et c'est pas au vieux singe que t'apprends à faire le gymnase. T'aimes trop traîner dans ton grand lit comme une grosse limace. Le temps passe, les gens amassent les diplômes. Je m'en bats les couilles, moi dans ma vie j'ai déjà mon rôle. Profite de la vie en rectifiant toutes nos fautes. Ou sorti de l'adolescence, ton bilan sera le nôtre. On était dans le vent, on pensait qu'on était frais. Ouais. Encore des enfants, inconscients de ce qui arriverait. Ouais. On avançait bêtement avant nous d'autres l'ont fait. Ouais. Nous on s'en foutait, ouais. On voulait tout niquer. Ouais. On se croyait déjà grand, on pensait qu'on assurait. Ouais. On prenait pas le temps de comprendre ce qu'ils nous disaient. Ouais. Mais à nos parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ouais. Nous on s'en foutait, ouais. On voulait tout niquer.